Costco. Ça, c'est Bébert. Disait les beaux Manu. Bon, bah alors, c'est bon, Bébert. Ok, pose pas trop de questions. J'ai pas répondu, moi. Mélanie, s'il te plaît, sans indiscrétion, ton âge pour être prof d'anglais déjà. J'ai 28 ans et ça fait un an que j'enseigne. Bravo. Mélanie, sans indiscrétion, est-ce que tu suces? Oui. Tu sais qu'il prend. Alors, Rambo. Avoir... Tu me prends Rambo. Non, Gérard, s'il te plaît. Professeur Kimball, Rambo. Non, tu ne viens pas Rambo. Maman, on veut Rambo. Ouais, les filles, elles veulent Rambo. C'est un vrai mal, un homme. Ok. Gérard, est-ce qu'on peut écouter ce que Rambo a à dire, s'il te plaît? Non, ouais. Non, pour l'instant, c'est ça. Non, mais je voudrais témoigner. Il n'y en a pas pour l'instant. Moi, je voudrais dire que j'ai surtout une. Professeur, je suis bien blessée. Oh, tu m'as chérie, tu m'écoutes? Ouais, s'il vous plaît, on écoute Rambo. Ok, il n'y a pas de problème. Gérard, tu m'écoutes? Je voudrais quand même te dire que, tu sais, nous, en tant que routiers, on a quand même eu une jeunesse sur les bords de route, sur les bords de périphériques ou d'autoroute. Voilà. Ouais, vas-y, hein. Cécile. Oui. Donc, pour toi, toi, tu m'as répondu, tu m'as dit que non, pour toi, à ton avis. Si, ils sont compétents, parce que quand même, s'ils sont arrivés, c'est que vous avez quand même des cases de plaine, quoi. Bon. Donc, voilà. D'accord. Christina. Ouais, ben moi je voulais dire que intelligent peut-être, hors compétent pas tous. Hein. C'est-à-dire pour toi? Ben il y en a qui en ont rien à foutre des élèves, ils ont leur salaire à la fin du mois et qu'ils y arrivent ou pas, ils en ont rien à foutre. C'est faux, c'est. Ouais, voilà, c'est pas ça. Attendez, ça c'est les Mélanie, attendez. Attendez, c'est Jean-Paul T là. Attends, pour l'instant c'est. Non, mais écoute-moi, j'étais au premier débat et en fait je suis resté au fond là, je sais pas pourquoi, est-ce que je peux participer au deuxième, s'il te plaît? Ah non, mais maintenant tu vas virer parce que ça. Non, mais j'ai quelque chose à dire. Mais il sort d'où, lui? Mais c'était au premier débat, je te dis. Il sort d'où, Jean-Paul T? Je sais pas, normalement, il est pas là. Mais non, mais je suis resté coincé, je sais pas quoi, dans le standard. Ah bah, t'es resté coincé, maintenant tu vas te décoincer. C'est l'informatique, hein, ça marche jamais. On parlait des ordinateurs et tout ça, et bah, moi, je veux bien parler de l'éducation. Rico, essaye de voir, là, de me sortir Jean-Paul T, là. Il a rien à foutre là-dedans. Il a bidouillé l'informatique, je crois, il a incrusté dans le standard. Il a rien à foutre là. Je ne vais pas sortir avant 5h. Eh ben, tu vas sortir tout de suite. Non, mais attends, le plus drôle, Gérard, c'est que... Il sort d'où, là? Attends, Gérard, on enlève tout le monde, on va voir. Ouais. Non, mais le plus drôle, c'est pas jusqu'à 5h, ce qui fait que je me tape la fin d'embrouille après. Tu vois, c'est Vanna sur Minitel, elle raccroche. Tu vois le truc, Gérard? Allô? Y'a encore quelqu'un ou pas? Ouais, on t'entend, mais on essaye de t'enlever, apparemment. On aimerait bien que tu t'entendes, quoi. Bah, ok, moi là-dessus, y'a pas de problème, mais j'entends plus Gérard, qu'est-ce qui se passe? Moi je te demande de continuer, là, ils sont en train de faire le débat ou pas? Je te demande de te retirer. Ouais, allô, je peux pas! Bon, c'est comme ça jusqu'à 5h! Bah non, mais là, moi je continue pas avec un connard comme ça. Alors, je me tapais la fin d'embrouille, tu crois que ça m'amuse? Non, mais attends, dans ce cas-là, tu dégages. T'as pas des images à filmer là? Raccroche! Tu raccroches et ça me prend les pieds. Voilà. Donc, Bébert. Ouais, y'a pas de problème. Attends, qui c'est qui. Attends, Bébert. Attends, Bébert. Ouais. Qui c'est qui veut me poser une question? Bah, c'était moi. Non, mais moi j'ai pas fini, hein. Christina, oui. Ouais, je disais que les profs, ils étaient intelligents, mais il y en a qui en ont rien à foutre des élèves, quoi. Ouais, ils sont pas tous compétents. Ouais. C'est archi faux. D'accord. Attends, Mélanie et Cécile, attendez. On va demander quand même l'avis à Bébert et à Couscous. Il n'y a pas de problème. Vas-y, okay. Couscous, alors, mon ami, je te laisse la parole. Bébert. Non, je laisse la parole à Couscous en premier. Non, vas-y, Bébert, je te demande de répondre. Vas-y, Bébert, vas-y. Couscous. Bébert, s'il te plaît. Vas-y, Bébert. Qu'est-ce que tu me fais rire? Bébert. Bébert. Allez, Bébert, on se dépêche là, s'il te plaît. Ok, tu sais, ça n'a pas toujours été facile pour nous autres, hein. Et toi comme nous, il n'y a pas de problème. Ok. Couscous. Ouais, bah, des profs, il y en a des compétents, il y en a des pas compétents. Moi, je me rappelle. Pour nous, comme dit Bébert, Bébert, s'il te plaît. D'accord. Ok. Dans la cité, il y a toujours des petits problèmes. Ok. Ouais, moi, je me rappelle d'une prof de mathématiques, elle avait des grosses lunettes et. Ah ouais, on aimait bien l'applaudir, la salope, hein. La salope. Non, l'arsène, je sais pas, mais il y a l'arsène. Oh, c'est bon. Ouais, c'est grosse salope. Oh, Bébert. Oh, le larsène. Bébert et Couscous, s'il vous plaît, on se calme. Y'a pas de problème, mais c'était quand même une grosse salope. Ah, tu m'étonnes, la salope que c'était, hein. Bébert. Gérard, là, c'est pas nous. J'essaye de gérer, d'au moins de poser ta question et que les gens répondent dans la Couscous. C'est bon. C'est pas grave, c'est nul, là. C'est nul, tu gères. Ouais, non, mais attends, pour l'instant, quand. Bébert et Couscous, ils auront... Il n'y a pas de problème. Non, tu, alors moi, je vais répondre quand même, là, parce qu'il y a les trois filles qui n'arrêtaient pas de se battre en duel, là, pour me dire qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord sur les profs compétents. Ouais. Moi, je peux vous dire une chose, que de toute manière, les profs, t'en as des compétents et t'en as qui sont pas compétents. Pourquoi? Parce que c'est pour dire une chose, que dès qu'ils nous posent une question, ils vont tellement trop vite à les poser qu'on n'a pas le temps d'y répondre. C'est dégueulasse, les compétents. Hein? Alors maintenant, la prochaine question, je sais que ça... Olivier, s'il te plaît. Tu peux la gueule du monde ou quoi, toi, maintenant? Tu te fous de qui, là? Qu'est-ce que c'est pas fait? Tu peux faire ça tous les jeudis, hein? Il y a un problème avec la voix de Gérard. Non, mais là, je commence à en avoir ras-le-bol, hein. Il y a un problème, là. Ça commence à bien faire, hein. Là, je crois qu'il y a un problème, là. Tu vas aller bosser, là. Non, je sais que ça va pas faire peur. Oh, bébé et Couscous. Oui. On se calme. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bébé et Couscous. Oui, je t'entends. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème, là. Non. Ça y est, tu te calmes. Il y a un problème avec vous. Vous me calmez. Eh bébé, on se fait une merguez partie. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, mon ami, oh, tu me les calmes, là, les deux, là. C'est toi qui as voulu que je les rappelle, et maintenant, ils font le bordel. On se calme, tu leur dis qu'ils se calment. Bah oui, je sais, mais c'est à toi de leur dire quand même, Gérard. Bon, bébé et Couscous, vous vous calmez maintenant, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème, Gérard. Ok. C'est vrai que c'est trop le bordel, là, donc il faut vous calmer un peu. Donc, je sais, ça va pas faire... Je sais que ça va pas faire plaisir à Mélanie parce qu'elle est prof d'anglais. Et ça, la question, je pouvais pas la passer à côté parce que ouais, c'est... Je pouvais pas deviner, quoi. Ouais, mais alors pourquoi que qu'elle nous montre... pourquoi que certaines profs nous montrent leurs culottes? Alors, attendez. Non, mais c'est bon, attendez. Couscous, c'est Bébert. Il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est pas nous, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la maison, là, hein? Alors, Couscous, tu réponds, s'il te plaît. Après, on va demander, aux filles. Eh ben, pourquoi les filles montent la culotte? Ouais, non, mais les profs. Les profs, ah, mais... Parce que c'est des salles, là-bas. Non, on reste pas en même temps, pas tous en même temps. Eh, Bébert, Couscous, vous restez pas... Eh, non, mais faut dire ce qu'il y a aussi. Il termine. Donc, je disais que, ouais, moi et Bébert, on était dans la même classe. Il n'y a pas de problème. Et on avait une prof qui s'appelait Aïcha. Aïcha. Derrière le bureau, ben, elle écartait bien les queues, s'envoyait sa culotte et même la faufaune. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Bébert. Ouais, il n'y a pas de problème. Et ça pue la merguez, hein. D'accord. Et la merguez bien grillée, hein. Non, mais c'est bon, Couscous, ça y est. Il n'y a pas de problème. Bon, Olivier, s'il te plaît, tu ne vas pas t'amuser à me mettre des doubles bras. Et l'empêche, c'est une grosse salope quand même, hein. Ah, parce que là, tu es en train de perdre le coup. Alors tu vas arrêter tout de suite. On y voyait la foufoune, hein. Ah ouais, elle est répondre. Y a pas de problème. Elle est fine, comment elle est la foufoune? Olivier, tu me retires le double sens, s'il te plaît. Olivier, merde. Y a pas de problème, elle a une belle foufoune, hein. Gérard, Gérard, je peux répondre à la question? Ah, y a pas de problème. Olivier, tu commences à m'énerver, là. Couscous. Oui. Y a pas de problème, hein. Ah, y a pas de problème. Non, mais moi, je m'en fous, j'ai acheté le bordel. Y a pas de problème, hein. Quand tu auras terminé tes conneries avec ton double bras, tu me préviendras. En attendant qu'Olivier soit calmé, on accueille Angelo. Et encore Rambo, Costander, tu peux me virer. Non, reste, Gérard, tu gères rien du tout parce que. Non, tu gères rien. Arrête ton bordel. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Putain de merde, ça fait chier. Tu me fais chier. Ok. Manu, tu veux des bras. T'es pas gentil. C'est tout ce que j'ai à te dire. Là, tu me fais chier, c'est tout. Maintenant, Bébert et Couscous, vous vous calmez. Bébert, Couscous, vous vous calmez. Attendez tout le monde. C'est quoi, c'est l'air d'un bébé. On accueille Ramondo quand même. Olivier, tu commences à me faire chier. Allô, bonsoir, Ramondo. Non, non, mais là, il a. J'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Je suis innocent. Couscous. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Bravo. Tu gères pas ton débat. Tu me fais chier, t'arrêtes pas de faire des conneries. J'ai rien fait. Ok. Viens, tu te manies un petit peu là. Bon, bébé, Couscous, maintenant, vous vous tournez, ça commence à bien faire. Voilà quoi. Non, c'est vrai, calmez-vous. Alors, Christiana. Gérard. Oui, je peux. Ouais, je peux parler ou pas? Oui, vas-y. Ouais, je disais que. Bon, attends. Mais celui qui veut parler plus vite que les autres, il dégage. Ok, super. Voilà, il n'y a pas d'okay, c'est super. C'est comme ça avec moi maintenant. Christina. Gérard, est-ce que tu te gomines les cheveux? Oui, je peux parler. Il n'y a pas de problème, hein. Allô, il y en a là. Et chacun son tour. Mais là, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de décalage, je pense que j'appelle pas de France. Oui, mais attendez, attendez. Non, non, tu me dis que celui-là. Donc, on va dégoiser le foudage. Attendez. Chacun votre tour, quoi. Tu parles à ton tour. Vous la fermez aussi, hein. Olivia, les mecs, depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de foutre le bordel, là. T'arrêtes pas de vraiment parler, Anna. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, Olivia, tu prends le décalage. Le décalage, il va le faire chez lui. Christina. Désolé, je suis pas d'ici, aussi. J'en ai rien à foutre, tu dégages. Il n'y a pas de problème, hein. Yara, c'est un raciste. Tout ce bébé, vous le savez. Toi, tu fermes ta gueule maintenant. Je suis vraiment désolé. Tu la fermes. Mais Yara, il n'y a pas de problème. Tu la fermes. Il n'y a pas de problème. Bon. Il sort d'où, lui? On va avancer dans le débat, s'il te plaît. Hein. Bah, j'ai annoncé, c'était Ramondo, mais... Mais pour l'instant, il... Ouais, mais tu t'énerves un peu trop, hein. Il est là, ah, t'es quoi, Sala, tu réponds? Là, je vais la fermer ou quoi, lui? Oh là là, c'est mais il est parti. Christina. Oui. Bon, alors, je vais dire qu'il y a des profs qui sont très vicieuses, autant mecs comme Nana, et que quand j'étais en sixième, j'avais un prof de français. Donc, voilà. Ben c'est bien parce que les trois quarts des mots que j'ai presque rien entendu sur ta question, sur ce que tu m'as dit. Ah ben là, c'est plus possible. Non, parce qu'il y en a un qui s'amuse à perdre des bruits de dents et qui a coupé au même moment que tu voulais dire quelque chose. On répète. Alors, reprends dans ta question. Oui, je répète. Il y a des profs femmes qui sont vicieuses autant que des mecs, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des profs mecs. Vicieux. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes un petit peu maintenant. Non. Tu viens d'appuyer sur un bouton pour lui couper. Là. Hein? Alors, moi, j'ai je m'en fous. Tant qu'elle aura pas fini de répondre, je continuerai. Bon, bah. Alors, Christina, tu redis pour la troisième fois. Bon, il y a des profs femmes qui sont vicieuses et il y a des profs mecs qui sont vicieux aussi. C'est vrai. Et donc, je disais que quand j'étais en sixième, il y avait un qui s'est tapé la prof de français. Gérard aussi s'est tapé sa prof de français. Tu sais qui vient de dire ça? C'est Angelo Spaghetti. Ouais, bah Angelo Spaghetti, tu dégages. Ouais. Ça t'apprendra d'être un peu plus poli avec moi. Et hop, bonne nuit. C'est pas non. Maintenant, ça va être bipé. Mais ça va être bipé. Allez, hop, dehors. Cécile. Oui, Gérard, écoute, moi, je pense que, il y a des profs qui sont vicieux, quoi. Qui prennent plaisir à monter le pilote et c'est tout, quoi. D'accord. Mais je voulais te dire, Gérard. Oui. En fait, là, Couscous et Berber, j'avais l'impression que c'était Eric et Ramzy. Hein. Non, mais on verra. Laisse-moi continuer de poser des questions. Ah, okay. On verra après. Mélanie, comme t'es prof d'anglais. Oui, moi, j'aurais deux choses à dire. Je trouve déplorable. Oh, celui qui s'amuse à parler anglais, tu le dégages. Je n'ai pas demandé de réagir. Alors maintenant, ça va aller vite fait. Ok, no problem. Go out. Et hop, on s'en va, dégage. Allez. Bonne nuit, Mélanie. Oui, je disais qu'en tant que professeur, je trouve tout à fait déplorable qu'on ait droit à un tel spectacle de langage et de vulgarité. C'est-à-dire? Aussi bien de la part des auditeurs que de toi. Yes, all right. Non, mais attends, je vois pas le rapport avec... première chose. Deuxième chose. Bon, Olivier, s'il te plaît, arrête de parler anglais quand on parle. Mais c'est pas moi. Bon, allez, hop. De manière, il est 2h30, moi, 3h30, j'arrête, terminé. Mais non, Gérard. Ça va aller vite. Non, comme t'as rien à foutre, Olivier, t'es en train de faire le con. Christina. Ça fait pas le con. Christina, elle a répondu à la question. Tu l'as coupé à moitié, j'ai même pas entendu ce qu'elle voulait me dire. Maintenant, tu t'as mis à faire le con. Voilà. Alors, si c'est pour faire le con, moi, j'arrête. Mais je sais pas si c'est lui, mon frère. Allez, vas-y, Mélanie, dis ce que t'as à dire. Moi, je voulais dire que si certains professeurs, surtout les femmes, s'exhibent comme ça, montent leurs culottes, ça fait partie de leur fantasme, c'est pas très intelligent par rapport à des enfants qui sont souvent mineurs. Et Olivier a un très très bon accent. Ouais. C'est bien, on n'a pas d'Olivia. Hein. Olivier. One again. C'est plutôt l'accent américain que l'anglais, mais c'est pas Gérard. Quoi? Est-ce que t'as couché avec ta prof de français, Angelo Spaghetti, là? Non, mais toi, je t'ai demandé de dégager, tu commences à m'énerver maintenant, ok? Alors, tu dégages avec tes questions bidons. Quoi, la prof de maths? Ouais, bah, tu dégages, allez hop. Gérard, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait avancer un peu sur le débat? Ouais, bah, maintenant, il est 33, on vas-y, va mettre. Vas-y, Gérard, pose ta question. Tu connais ça, toi? Hein? Et 69 avec ta prof de français, c'est bon. Allez hop, oh. Non, parce que je connais pas. Ah, Gérard, quoi? Ah, il demande de dégager Olivier Spaghetto. Je crois que c'est Angelo Spaghetti. Ouais, bah tu le dégages. Moi je dégage aussi. Ça, ça commence à bien faire, là, vos conneries de discuter tous les deux. Il y a un monologue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, mais Gérard. Vous êtes là pour faire le standard, pas pour discuter. Gérard, tu y vas? Gérard, ta question, s'il te plaît. Après, on dira que c'est les filles qui sont bavardes. Vas-y, Gérard, continue. Voilà, c'est bien. Voilà, êtes-vous pour la semaine des 4 jours, Mélanie? Mélanie! Pour la sodomie de quoi? La semaine des 4 jours! Ah, oui, tout à fait. Tu ah, bah ouais, elle est trop en fait! Moi, je travaille, mais bon, c'est pas possible de parler dans cette émission, hein. Non mais quand de toute manière t'inquiète pas, je vais vous prendre tous en antenne tout à l'heure. Vous allez voir que la première qui va pas vouloir écouter ce que je vais lui dire tout à l'heure, tu vas faire ça, d'accord? Mais non, mais c'est maintenant. Donc tu continues ton débat. Donc êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour la semaine des 4 jours? On met un disque. Non, on va mettre un disque après, je le cherche pendant. Donc tu continues. Ah ouais, ben tu le mets. Ouais. Je suis contre Gérard. Alors, moi pour... c'est Mélanie. Alors Mélanie pour Gérard. Gérard, on accueille Détroit à la place de Bébert, il a raccroché tout à l'heure. Je suis contre la semaine des 4 jours parce que ça donne beaucoup trop de travail aux élèves. Mmh. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est les heures de cours sont restreintes à 4 jours. Donc tout le programme d'une semaine, tu dois le faire en 4 jours. Donc ça fait beaucoup plus de travail, ça fait trop de charges. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Cécile? Il y a la CFG à payer. Ça commence à bien faire, là. Olivier, tu commences à m'énerver là avec ton bordel. Voilà. On a gagné, c'est pour moi. Ça commence à bien faire. Tu mets un disque. On continue. Non, je le cherche. Non, je le cherche. Gérard, do you want to fuck your cotton tits? Je cherche, hein, ça va. Attention à celle qui dit un mot de travers là parce que ça va dégager. Je ne trouve pas d'ailleurs. Gérard, je dis que moi je suis contre la semaine des 4 jours. C'est qui? Cécile. Ça c'est un peu. Je dis que je suis contre la semaine des 4 jours. Mélanie, tu te calmes s'il te plaît. Gérard. Mais comment ça, j'ai rien c'est Détroit. Dit. Qu'est-ce que tu veux, toi, Détroit? Pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Oh, Gérard, je peux parler. Christina, tu te calmes, s'il te plaît. Je suis d'accord avec les filles. C'est pas moi, hein. C'est Cécile qui parle, Gérard. Je te signale que je parle pas anglais, moi. Alors, Cécile, je t'écoute. Oui, moi, je te dis que je suis contre la semaine des 4 jeudis parce que ça perturbe... Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais des autres jours de la semaine? Détroit, tu la fermes. Mais elle a raison, Cécile. Ouais, Détroit, c'est pas toi qui commande pour l'instant. Allez, 35, vous réfléchissez à la question. D'accord. Donc vous réfléchissez. Gérard, c'est quoi, il y a des codes? C'est quoi 35? Do you want to fuck your cotton tits? On met quoi comme disque? On va à la cocole et on est content. Voilà. Gérard, you fuck your cotton tits? Fun Radio, les Fun Loving Criminals, c'est les débats de Gérard. Et Gérard est toujours pas installé. Tranquille, Gérard, prends ton temps, hein, tranquille. Voilà, doucement. Voilà. Ah. Ils sont même pas au standard. Là. Gérard est énervé parce qu'il y a personne au standard. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? J'ai viré parce qu'ils étaient à deux, il y avait une nana derrière, je l'ai viré. Ils m'entendent pas, moi. Hi, everybody. Allô? Hello, everybody. Oh. Hello. Come on. How are you? Qu'est-ce que c'est passé mais dans putain, la mais c'est quoi ce bordel, là? Qu'est-ce qui se passe, hein? Allô, bébé? Ouais, qu'est-ce qui se passe, hein? D'accord. Aïcha, écoute-moi. Aïcha, tu prends le standard, là, tu me le calmes. Écoute-moi. Ah non, mais il n'y a personne là pour s'occuper. Si je faisais le débat, j'étais. Tu me calmes un couscous. Personne. Non, mais. Hein? Non, tu me remets. Tu me remets, mais. 315 millions. De quoi, au flipper? Ouais. Et alors, j'en ai rien à foutre. Mortel. Eh, on n'est pas là pour le flipper. 315 millions. Bah dégage. Mais il est complètement con, lui. En tout cas, il est meilleur au flipper qu'au standard. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Oh, c'est bon, Gérard, je t'ai mis bébé et couscous. Aïcha. Non, mais attends. Écoute-moi. Oh. Aïcha. Écoute-moi. Bon, si je faisais le débat. 3h40. 3h40, ça va être sympa. Aïcha. Il y avait Gérard qui était soir là. Il était fou, le Gérard. Ouais, Gérard. Non, mais tu me le calmes. Tu lui dis qu'il se calme. Laisse-toi que je te prenne par là. Ouais, Gérard. Putain, mais laissez Gérard parler. La ferme, oh. Putain. Alors, Nathalie. Gérard, tu fais pas la loi là ou quoi? Nathalie. Tu veux faire que t'en t'es? C'est pas possible. Attends, là, c'est la merde. Allez, Gérard. Non, terminé. Mais Gérard, Gérard. Mais Gérard, il a pas envie. Richard. Terminé. Terminé. Terminé. Terminé. Mais terminé. Raccroche-toi avec ta musique. Non, c'est terminé. Gérard. Ah, tiens. Ah, c'est bon, vas-y. C'est bon, il a raccroché. Gérard, allez mon ami, tu continues c'est le débat. Bon, ah, c'est pas moi, mais arrête Gérard. C'est Manu, il est allez Gérard, on va prendre la vitesse un petit peu. Hein. Bon, Couscous, tu t'écrases ou tu dégages maintenant. Ouais, c'est toi qui s'endors là, mon ami. Hein. Ouais, Gérard, moi je t'aime bien, je t'ai jamais rien fait. Oh. Non, ben, pour l'instant, tu te calmes, s'il te plaît. D'accord. Hein? Gérard, repose ta question. Alors maintenant, je vais reprendre. Mélanie. Ah oui. Est-ce que t'es là? Oui. Cécile. Rebonsoir. Christiana. Oui, je suis toujours là. Nathalie. Elle est partie à la raccrocher. Il y a que des femmes, hein, et toi? Détroit. Il n'y a pas de problème, il est là, Détroit. Hein. Ouais. Alors, Détroit, je crois que je t'avais raccroché au nez parce que t'avais quelqu'un derrière toi. Tu vois, ton problème. Non, mais c'est pas ça, on a rappelé entre-temps, Gérard. Il n'y a pas de problème. Ouais. Hein. Moi, Gérard, j'ai plus l'impression que le problème de Détroit, c'est d'être un garçon, en fait. Pourquoi tu me dis aussi, ça, toi? Et que tu zappes tous les mecs, Gérard. Non, mais c'est vrai, ça. Et Couscous, pour finir. Couscous. Ouais, il est là, encore fidèle. Ok. Non. Alors, on continue. Alors, maintenant. Êtes-vous pour la semaine des 4 jours? Donc Couscous, tu réponds, mais sérieusement, je préviens d'entrer, vite fait. Oui, bien sûr, je suis pour la semaine des 4 jours. Comme ça, le vendredi, samedi, dimanche, on a tout le temps de baiser la Zoubida. Pas de problème, hein. Ok, c'est bon. Détroit. Écoute, moi, je pense que la semaine des 4 heures, c'est idiot. Des 4 jours! Gérard, excuse-moi. Des 4 jours. S'il te plaît, Manu, tu me 5 minutes! Non, mais attends, Détroit. D'abord. Et on accueille Fabien de Paris. Salut Fabien. Voilà, donc je te disais, la semaine des 4 heures, c'est pas terrible. Des 4 jours ouais, des 4 jours, c'est pas terrible, parce que qu'est-ce que t'en fais des autres jours? Mais attends, c'est comme moi, ça. Tu fais quoi, moi? Et alors, tu fais ce que tu veux. Et toi, tu fais quoi? Eh ben, moi, pendant les 2 jours de repos, ben, je me repose, hein. Quand il n'y a pas d'école, je me repose. Ouais, mais attends, mais est-ce qu'il serait pas possible de se reposer à l'école pour pouvoir faire ses devoirs entre-temps? Ça fait 30 ans qu'il se repose. Merci pour celle qui dit ça tout à l'heure. Ah ben, j'ai vite fait, hein. Attention. Bon, très bien. Aux filles de répondre. Fabien, non, tu permets, c'est pas toi qui commande Détroit, parce que tout à l'heure, tu as dégagé. Ouais, je suis là, Gérard. Fabien. Ouais, je suis là. Alors? Alors, on t'entend pas, Fabien, t'as un portable. Non, t'entends mal. Eh oh, c'est un portable, ça. Non, j'ai le numéro, c'est pas. Si, moi, je reconnais. Hein. Alors, Fabien, tu travailles, s'il te plaît. Ouais, je suis là, Gérard, t'inquiète pas. Alors? Bah, t'accouches? Bah, là, je pense que celui qui a parlé avant, il avait raison, là. Eh ben, c'est moi, c'est Détroit. Ouais, non, mais attends, Détroit, pour l'instant, s'il te plaît. Il avait raison, hein. Ok, bah, très bien. Bon, dis de répondre. Attends, je voudrais dire un truc à Gérard. Ok, vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il fait pendant les 2 jours, là? Il a dit, il faisait rien. Il a dit, c'est quoi ton repos? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, genre, hein, je l'ai dit. Ok. Je sais pas, par exemple, moi, si je me repose, je fais comme Gérard, je lis, je regarde la télé, je m'installe. Bon, 2-3, tu la fermes. Ok. Je vais poser une question. Mais, attends, avant Christiana. Ta question. Gérard. Avant qu'elle pose sa question, pour ne pas l'interrompre, on va accueillir Will de Brest. Salut, Will. Il avait une place de libre. Salut, GG, ça va? Salut, Will. Salut, ça va bien? Will up. Ouais, pas mal à l'aise. Bah, pas bien. Ouais. Oh! Non, rien, non, je voulais rajouter. Détroit, Fabien, tu veux. Non, Détroit, Fabien, vous dégagez. C'est pas Détroit, c'est pas Fabien, c'est Détroit. Ouais, non, mais alors tu le dégages. Hop! Bonne nuit pour Détroit, c'est comme ça, ça me prend une place de libre pour quelqu'un d'autre. Donc, Will. Oui, alors, moi, ce que je fais pendant ces 2 jours, je fais mon boulot, c'est tout. D'accord. Mon boulot d'école, et puis peut-être que vendredi soir, je fonce dans les chiottes de la loco aussi. Eh ben, dans ce cas-là, Will, ça t'apprendra de parler des chiottes de la loco, tu peux retourner chez toi. Ouais, au revoir. C'est Détroit qui remplace Détroit, hein. Au revoir. Gérard. Christiana. Oui, alors moi je suis contre. Pourquoi? Après l'emploi du temps il est vachement chargé. Et puis avant la fin des cours t'écoutes même plus tellement t'es crevé. D'accord, alors qui c'est qui a du bruit derrière? Ah, y'a pas Bébert, hein, qui a du bruit, hein. C'est pas Bébert, c'est pas moi, hein. C'est bizarre. C'est pas Manu au standard, hein. Non, c'est pas Manu au standard. Couscous, je viens de lui demander qui contrôle. Non, c'est Bébert, hein. Donc Christiana, donc t'as dit que t'étais contre. Ouais, je suis contre. Ok, Cécile. Ouais, bah je suis contre parce que ça casse l'horloge biologique, quoi. Et cervicale. Allô? Allô, Gérard? Tu m'écoutes, Gérard? Oui, j'écoute maintenant. Celui qui essaye de m'appeler, pour l'instant, il va la fermer. Non, je voulais juste te dire que j'étais d'accord avec elle. C'est vrai que ça tonique un peu ton horloge biologique, hein. C'est qui? C'est bébé. déjà plus là. Mais j'ai remplacé Détroit, tu l'as viré, donc j'ai rappelé. Ouais, mais laisse parler Cécile. Hein. Ok, mais je suis d'accord avec elle. Hein. Bébert, tu peux te faire un peu, s'il te plaît. Bordel, c'est calme, c'est bon, Bébert, tu te fermes, s'il te plaît, une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de problème. Hein. Gérard, ok. Je peux poser une question. Alors, Cécile, oui, Olivia, ça commence à bien faire là. Je voulais te demander, est-ce que quand tu as du temps libre, tu vas au cinéma? Non. Tu vas jamais au ciné? Où est le rapport avec l'école? Il y a une question sur le 35 Fun Radio, Gérard. Hippolyte qui te demande quel jour tu enlèverais toi dans la semaine pour que ça fasse plus que 4 jours. Déjà le lundi, comme ça prend le week-end. Ah, je suis pas d'accord. Ça, hein. Ça fait un jour, alors après un autre que tu retires. Parce qu'il y en a quand même 7 des jours dans la semaine. Donc il reste plus que 4. Donc si on calcule bien, il faut en retirer 5, c'est ça? Ben non. Ah bon? Bah, t'as lundi, le mardi. Le mercredi, jeudi. Lundi, mardi, vendredi. Bah, tu retires le mercredi, ça te fait 4 jours dans la semaine. Ah bah voilà, tu retires 2, ça fait 4 jours dans la semaine. Voilà. Bah, génial. Donc la semaine font 6 jours. Casse la semaine, hein. Non, parce que le samedi, c'est rare quand il y en a contre l'école, et le mercredi, c'est pareil. Ils ont Couscous, Bébert. Non, Couscous, s'il te plaît, Bébert, vous allez vous calmer pour l'instant. Si je peux me permettre une petite réflexion quand même, c'est toi qui as voulu que je les appelle, mais j'aurais mieux fait d'appeler Tony, quoi. Non. Parce qu'il est plus calme. Non. Ah ouais. Non, donc. Ah, bah nous, on veut Tony, hein. Allô, ouais, attends. Non, parce que franchement, le bébé a le couscous depuis le temps, ils arrêtent pas de pleurer. Cécile. Cécile et Christiana. C'est moi qui ai demandé à vous rappeler. Alors, si vous êtes pas contente, tout à l'heure, vous allez virer. Ouais, ça va être vite fait. Y'a pas de problème, hein. Bon, alors maintenant, vous allez me laisser parler. Donc, Cécile, pour finir. Oui, Gérard. Celui qui s'amuse à perdre le chien commence à me faire chier. Bon, ouais. Là, tu me calmes. Bon, allez. Tu me calmes Bébert, comme il est encore là. Tu calmes Couscous et Fabien. Eh, mais moi, j'ai rien fait, Gérard. J'attends depuis tout à l'heure. Ouais, t'attends depuis tout à l'heure. Et qui c'est qui s'amuse à perdre le chien? C'est pas moi, Gérard. Non, c'est jamais personne. C'est sûr que c'est pas comme moi. Comme par hasard, là, on te demande qui c'est. Si c'est pas toi, comme par hasard, ça s'arrête. Non, mais tu me prends pas pour un con. Tiens, tu vois, ça continue, c'est pas moi. Bon, c'est qui ça? Tu vois que c'est pas moi. De toute manière, j'arrête là dans 2 minutes. Mélanie. Oui. Mélanie, comme t'as pas répondu, j'espère que tu vas pouvoir répondre si tout le monde se calme. Ben, je suis bien obligée d'attendre que tout le monde se taise. Ben, pour la semaine des 4 jours, je suis pas d'accord. Y'a pas de problème, hein. Couscous, s'il te plaît. Non, là, ce coup-là, tu me le vires. Mais c'est pas moi. Non, ça commence à bien faire, là. C'est plus possible. Tu sais qu'ils amusent à faire le chien. Non, là, c'est plus possible. C'est pas moi, Gérard. Bon, tu me dégages, Fabien. C'est pas moi non plus. Ah, c'est pas Fabien, je l'avais mis en attente. Non, c'est pas moi, là. Alors, c'est qui? C'est ou Bébert ou Couscous, c'est celui qui vient de retirer. Non, c'est pas Bébert, y'a pas de problème. C'est pas Couscous, c'est Mélanie. Alors, Mélanie, s'il te plaît, tu réponds. Je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi? Parce que ça fait un surplus de travail avec un temps restreint. Voilà, tout simplement. D'accord. Okay. Je l'avais déjà dit avant la chanson. Hein. Question suivante. Allez, question suivante. Alors, dois-je retourner à l'école pour faire une parfaite... Dois-je retourner à l'école pour... Pour tout refaire. Mon édition. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Bah, je vois pas du tout. Il y a pas de problème, hein? C'est pas bien. Je vois pas du tout la question. Non, mais Couscous, pour l'instant, tu commences à taire, s'il te plaît. Bah, c'est pas moi, c'est Bébert, je te dis, Gérard. Ouais, bah, Bébert, tu commences. Dans la maison, là, hein? Ouais, là, ça commence à me gonfler, là. Ça devient vraiment lourd, hein? Là, ça putain. Alors, préférez-vous le système allemand avec l'école le matin et activité libre l'après-midi? Alors, on va demander à Bébert. Y a pas de problème, hein? Bon, allez, hop, tu me dégages ça. Tu me les dégages, c'est bon. Non, mais c'est pas moi qui ai le chien, alors. Non, parce que... Non, Olivier. Là, Olivier, tu te fous de la gueule. Là, tu vois, tu vas me faire virer tout le monde. Mais c'est toi qui fais le con. C'est toi. Non, c'est toi qui viens de faire le con. Tu vois, maintenant, j'arrive à voir. C'est toi qui fais le con. Non, moi, je crois que c'est Rico et Manu au standard, hein. Non, allez, Bébert. Y'a pas de problème, hein. Bébert. Oui, je t'écoute, y'a pas de problème. Allez, tu réponds, là. C'est pas facile, tu sais. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du son, moi je peux pas parler, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ça va être lourd, hein. Bon, ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est lourd, le Larsen, là. Hein. Allez, conclusion. Ça, allez, non, Gérard. Non, si tu te fous trop de ma gueule. Non, Gérard, c'est dommage. C'est dommage, ça casse. Non. Gérard, tu vois, tu fous trop de la gueule du monde. Garde le sourire. Non, tu fous trop de la gueule du monde. Non, conclusion. J'ai pas répondu à ta question. Non, c'est conclusion. Gérard. Conclusion. Encore une question, moi, Gérard. Non, conclusion. Non, je me mets à genoux. Je veux pas le savoir, c'est conclusion. Je suis à genoux. Non, je suis là. Oui. Dis-lui que ça la parole. Conclusion. Il y a un abruti qui est en train de souffler. Manu, dis à Gérard que je veux répondre à sa question. Vas-y, Fabien. Non, c'est conclusion. Conclusion. Conclusion. Non, se calme. Non, déjà toi tu vas arrêter, donc maintenant c'est conclusion, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe dans la maison là ? Terminé. Relax. Conclusion. Non, c'est terminé. C'est conclusion. C'est terminé, c'est conclusion. Gérard, tu peux pas nous faire ça. Non, c'est conclusion, ça t'apprendra. Non. Attends. On va les couper. Ouais. Non. Moi, c'est conclusion, c'est tout terminé. Non, Gérard. Il est 4 heures, moi, j'arrête. Hop, terminé. J'arrête, c'est fini. Non, Gérard, s'il te plaît, on te... Non, y a pas cherché à me supplier, c'est terminé maintenant. Non, Gérard. Tu trolles ma gueule tout le long de la soirée, c'est terminé. Vrai, c'est conclusion. C'est pas vrai, Gérard. Si. Non, tu te fous pas de ma gueule. Non, terminé. Gérard, tu devrais retourner à l'école pour apprendre la politesse. Bon, les mecs, vous laissez parler Gérard. Tu me les vires. Tu me vires les mecs, tu me laisses que les nanas, ça leur apprendra. Que les nanas, Manu, on va faire un tant pis pour eux. Pour la prochaine question, on va faire une dernière question. Il y aura que des nanas, Gérard. Il n'y aura que des nanas. Non, mais de toute manière, je reconnais très bien. Déjà, ça, c'est pas... Allez, hop. Allez. Je te préviens, la semaine prochaine, c'est pas la peine de compter sur moi avec lui à la pro. Parce que là, il fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien. Comme... Gérard, ta question. T'as plus que les nanas là sur l'antenne. La question, Gérard. Alors, préférez-vous le système allemand avec l'école le matin et l'activité l'après-midi? Ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, mais Christina. Ouais, moi je préfère. Hein. C'est-à-dire, pourquoi? Avec activité, tu veux dire quoi? Qu'on peut être libre? Bah oui. C'est bien pour les élèves, comme ça ils peuvent avoir un petit boulot à mi-temps. Hein. Mm-hmm. Et comme ça ils se font de l'argent de poche, quoi. Ouais, mais c'est ce que, en fin de compte, c'est libre l'après-midi, hein. Et activité est libre l'après-midi. Ouais, moi je trouve que c'est bien pour les élèves. Mm-hmm. Parce que comme ça les pousse à étudier plus longtemps. Mm-hmm. Comme ça ils ont un peu d'argent, parce qu'il y en a plein qui arrêtent leurs études parce qu'ils n'ont pas d'argent et parce qu'ils aiment être indépendants, pas la vie, pas là, quoi. D'accord. Cécile? Ouais, moi je dis que en fait c'est cool parce que ça libère un peu l'esprit, quoi. Donc le matin tu bosses tout ça. Et l'après-midi, bon, t'as des activités, donc tu fais du roller, je sais pas, tu joues au billard, tu fais plein de trucs, quoi. Mm-hmm. Donc ça libère un peu l'esprit, donc t'es relax. D'accord. Donc c'est bien. Mélanie? Oui, je pense que c'est très bien. Mais pourquoi pour toi? Parce que comme toi, t'es prof d'anglais, donc... Disons que c'est bien parce que les journées sont bien moins chargées, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est s'ils profitent un petit peu de leur temps libre pour travailler un petit peu plus. Pour se détendre, mais pour profiter de leur temps libre pour travailler un peu plus. D'accord. moi, je peux vous dire, en fin de compte, d'avoir l'école le matin, ouais, c'est bien, puis d'être libre l'après-midi, comme ça, ça permet de réviser. Réviser. Alors, voilà. Le problème, c'est que toi, t'allais à l'école le matin et tu pensais que l'après-midi, c'était libre, sauf qu'il y avait des cours. Non, tu n'avais pas cours toute une journée. Nuance. Donc c'est une question que je vais pas poser parce que ça. Il y a Hippolyte Somité quand même qui dit que lui préfère le système allemand parce qu'il y a l'airbag et l'ABS. je vois pas du tout le rapport avec le truc de l'école. Conclusion. Là il y a une question. Bon donc conclusion donc conclusion. Mélanie. Oui. Donc malheureusement on a. On est obligé d'écourter mais moi je pense que quand tu imagines le bordel qu'il y a eu ce soir, on était 7 ou 8. Ben, quand t'imagines quand ils sont 35 dans une classe comme ça, après on viendra dire que les professeurs sont incompétents. Gérard met beaucoup de bordel à lui tout seul aussi. Hein. Voilà. Non, dans ce cas-là... Non, c'est vrai que quelquefois, Gérard... Je vais te dire une chose. Attends, Mélanie, je te coupe 5 minutes. D'accord. Je vais te dire une chose, tu vois, Olivier. Le jour de... Oh, Olivier, quand je te parle, s'il te plaît, tu t'écoutes. C'est que au 1er janvier, t'étais pas là. Eh ben, je vais te dire une chose qu'avec Max, il y a eu moins de bordel. Et au standard, c'était moins de bordel que ce soir. Il y en a qu'un qui applaudit. Mmh. Alors, la semaine prochaine, c'est pas la peine. Voilà, celui qui s'amuse à faire ça... Il s'en va d'ailleurs, Gérard. Celui qui s'amuse à faire ça, c'est pas mal, derrière. Donc, Cécile, pour toi, la conclusion des deux débats... Moi, la conclusion... Casse-toi. Alors, la conclusion des deux débats, c'est Max... La conclusion, conclusion, ouais, les questions, elles étaient intéressantes. Mm-hmm. Le premier, il était super chouette. Le deuxième, un peu le bordel avec Bébert et tout. Mais bon, ça va, quoi, c'est cool. On a bien rigolé. Et il est encore là. Il est encore là. Allez, pour la conclusion, quand même. Christina. Ouais, moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pu parler plus longtemps de ce débat. C'était vachement intéressant. Il y avait 13 questions. Ouais, et il reste 3 minutes. Derrière. Et puis, je réponds à Mélanie. C'est vrai que si t'as une classe de 30 filles, t'as moins de bordel qu'avec une classe de 30 mecs. Si c'est mélangé, que t'as un bordel comme on a ce soir avec un standardiste à moitié bourré. Tu sens un peu l'alcool quand même. Hein, parce que je vais te dire une chose, que la semaine dernière, c'était moins le bordel. Hein. Et j'ai l'impression que j'ai demandé que ça soit une fille d'art qui fasse le standard maintenant. Parce que là, je ne veux plus de jolie. Voilà. Et Tu feras tes soirées avec Max, mais moi, le jeudi, je ne te veux plus avec moi. On va voir, on dirait ça. À moins qu'on le fasse travailler vraiment très fortement. Qui doit encore faire une conclusion sur ce débat? Toujours là. Couscous, conclusion. Couscous, Bébert. Moi, je voulais dire que l'école, c'était un bon sujet de débat, quoi. Parce que bon, l'école, c'est une bonne chose, quoi. Ça permet aux enfants de montrer ce qu'ils ont dans la tête. Et je veux aussi dire, vive le Star System. Ok. Donc, il n'y a plus personne. Donc, alors, je vais quand même annoncer les deux débats si, pour la semaine prochaine. Si les gens respectent ce que j'ai annoncé. Vas-y. Donc, on va faire sur la beauté. Tu fermes ta gueule un peu, toi. Que j'annonce les débats. D'accord. Bah ouais. Voilà, alors. Donc on va faire sur la beauté. Devant le micro qu'on entend mieux. Est-ce que c'est pénible pour les auditeurs? Je te jure, souvent, il faut penser à eux, quoi. On va faire sur la beauté. Ah bien. Et sur les portables, je vais le refaire parce que. Non, on l'a déjà fait. Non. On l'a déjà fait. Sur l'écriture. Sur l'écriture, d'accord, à la rigueur. Mais alors, je veux que ce soit toi qui prépare les questions, parce que tes questions, c'est pas toi qui les a préparées, elles sont tapées à la machine, et j'aime pas ça, j'ai l'air parce que tes questions ce soir, il y en a qui étaient chiantes, parce que c'est pas toi qui les avais préparées. Non, mais attends. Là, sur l'école, t'as voulu qu'on laisse les 13 questions. Sur 13 questions, quand même, j'en ai modifié. Combien? Enfin bref, je vais regarder tout de suite tes questions pour le prochain débat et on verra. D'accord. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Il est 4h du matin. On va laisser Barthes pour ses femmes.